Le chasseur de rats, les révoltés ou l'œil gris. Roman de Gustave Aimard, lu par Ramina Grobis pour le compte de audiocite.net sous licence creative.commode.org.